FLX, Napalm, TNT, incendiaire, tout deep. Notre vie c'est comme ça, frère, on vit la nuit, comme B.I.G. Bienvenue dans ma zone, dans mon hood, dans mon secteur. Ici c'est M-City, monsieur l'inspecteur. Là où l'amour se vit, le premier samedi du mois. Bof, bof, y'a des smoke swirls tout autour de moi. La famille est là pour moi, et ouais les gradés. On vit la nuit avec les bros, les gros, les platés. Des musulmans et des athées, ouais y'a de tout chez nous. Des protestants, des chrétiens, la même corde autour du cou. Yeah, bienvenue dans la cage aux fauves. Pour un caillou, les junkies, on joue la cage aux folles. Braquage microphonique, je prends la vie en style doggy. On a moins de chance de s'en tirer que de terminer comme Tookie. Entre les chicots, j'ai la goupille. Ici, c'est Gorman. Ça part mal, prends un putain d'yep sur une Jordan. Tu sais, chez nous, c'est normal. Suffit d'une étincelle pour carboniser les BPM façon DBZ. Bienvenue dans ma zone, entrée dans la cage aux fauves. Du Jackie et du jaune, ouais, on vit la nuit. Sous la lumière des gyros, ne joue pas les héros, tu partiras trop tôt comme B.I.G. Bienvenue dans ma zone, entrée dans la cage aux fauves. Du Jackie et du jaune, ouais, on vit la nuit. Sous la lumière des gyros, ne joue pas les héros, tu partiras trop tôt comme B.I.G. La nuit dans ma ville, c'est comme à Aulnay-sous. Trop sont des films d'autres jouent les stars, malgré qu'ici ce soit pas Hollywood. Mec dans les halls, les caves et les squares. Une génération qui boit l'avenir dans la bouteille. Un tas de jeunes loups, agile aux dents longues. Un tas de jeunes sous prêts, t'as agir dans l'ombre. Mais les RG, la BAC, la BRB, tout sait. Mais rusé, on se déplace qu'en nombre. Agressif et solidaire comme 12e. Sur le bitume des GN, on se consume entre peine et plaie. Voilà pourquoi y'a peu de sourire dans la panoplie. Notre horizon dans les ténèbres, on rêve d'un bel été. Le moral au sous-sol, on se contente de sous-sale. Au quotidien, on pousse le sol pour se mettre à l'abri de tout squal. Et dans cette cage, une boussole, c'est vraiment utile qu'un coup de sable. Dans cette jungle, un coup de bol, c'est d'esquiver toute balle. Bienvenue dans ma zone, entrée dans la cage au fauves. Du Jackie et du jaune, ouais, on vit la nuit. Sous la lumière des gyros, ne joue pas les héros. Tu partiras trop tôt comme B.I.G. Bienvenue dans ma zone, entrée dans la cage au fauves. Du Jackie et du jaune, ouais, on vit la nuit. Sous la lumière des gyros, ne joue pas les héros. Tu partiras trop tôt comme B.I.G. On sort tard le soir, les braquages sont à concevoir. Chant du désespoir, faut sortir le gun pour t'émouvoir. L'arme donne le pouvoir, sans rendre compte fait l'espoir. Plus envie d'y croire, je m'éloigne du paradis soir. L'impression d'être en cage quand j'assume le quotidien. Envie de tourner la page, mais y'a mes potos, j'y tiens. Partir quand t'as l'âge, tu peux pas dire je reviens. Traîne souvent la nuit, l'esprit s'éteint le matin. Si le soleil se lève, tourne le dos, faut partir loin. Nous regarde avec la haine, voit-il en nous l'être humain. Nous enferme sans peine, dites c'est l'une pour une quinzaine. Est-ce trop pour la moyenne, croirait le zoo de Vincennes. Gueule comme ta gonze, par jour t'as le droit à 20 scènes. Une ambiance pesante, or jeune sonne minuit tapante. Le soleil se couche, il continue sa descente. On est tous allergiques à cette lumière oppressante. Bienvenue dans ma zone, entrée dans la cage au fauves. Du Jackie et du jaune, ouais, on vit la nuit. Sous la lumière des gyros, ne joue pas les héros. Tu partiras trop tôt comme B.I.G. Bienvenue dans ma zone, entrée dans la cage au fauves. Du Jackie et du jaune, ouais, on vit la nuit. Sous la lumière des gyros, ne joue pas les héros. Tu partiras trop tôt comme B.I.G.